بسم الله الرحمن الرحيم. C'est le wasif qui est le kitab. Et en fait, le livre, il s'est terminé, le ta'lif en lui-même, il s'est terminé avec le dernier chapitre, et tout le reste, que des questions, qui ne sont pas présentes dans les PDF et dans la version qui est traduite en français, et qui est diffusée sur le net. Et alors, ça prend une bonne partie du livre, quoi, quand même. Donc, on va prendre des questions, Inch'Allah. Pas toutes, certaines se répètent. Le plus important de business là. La première fois que j'ai fait le livre, on avait certaines questions, tu vois, on les avait lues. Maintenant, on va les lire, on va traduire approximativement et Inch'Allah, on le diffusera. Question par question. Allez. يقول السؤال سيكون عندنا سؤال ال... c'est la deuxième du livre, pour nous sera la première, parce que la première on va pas la faire, elle est plus d'actualité vraiment. سؤال أول تحت يقول معلوم أن المسر على الكبيرة لا يخلد في النار كما هو اعتقاد أهل السنة وجماعة لكن كيف يمكن الجمع بين ذلك وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم مدمن خمر كعابد وثن ومعلوم أن عابد الوثن مشرك والمشرك مخلد في النار. Donc le questionnaire a dit qu'il est connu que celui qui persiste sur un grand péché malgré tout ne finit pas éternellement au feu. Ça n'en pas mécrant pour autant. Voilà. Comme cela la croyance des gens de la Sunna. Cependant, comment joindre, lier entre cet avis-là et la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam où il dit que, on va dire, l'ivrogne, l'alcoolique, est comme l'adorateur d'idoles. C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Majah, son Abu Hurayra. Et également par le Bukhari dans At-Tahrikh Al-Kabir. Attention, ce n'est pas tout ce que Bukhari ou dit que rapporté par Bukhari, c'est du sahih. Ce qui est sahih de Bukhari, c'est ce qui est dans son sahih. Parce que déjà, dès qu'on dit Bukhari, ouais, c'est authentique direct. Ce qui est authentique de Bukhari, c'est ce qui vient de son sahih. Il y a d'autres livres dans lesquels il n'a pas mis comme condition le sahih. Il ne faut pas que les gens soient savoir. Il y a Adab al-Mufrad, At-Tahrikh Al-Kabir, et un autre livre qu'il a fait dans lesquels il n'a pas été, il n'a pas mis comme condition comme dans son sahih. D'avoir que des hadiths authentiques. C'est pas pareil, différencié. Et ce hadith-là, je connais pas son hal. Taïb. Faqala, al-Sheikh, hafizallahu ta'ala, qu'oulou sallallahu alayhi wa sallam, mudminu khamri ki abdi wasan, huwa min ahadith al-wa'id al-lati tamuru kama ja'at, wa ma'nahu azajr an shabr al-kham, wa al-ta'liz fi sha'ni. Donc il a dit ce hadith-là, qui est que l'alcoolique, et comme l'idolâtre, on va dire, celui qui adore un idole, parmi les hadiths de menaces qui doivent être pris comme ils sont venus. Et le sens du hadith, c'est la réprimande pour le fait de ne pas boire d'alcool. L'interdiction de boire d'alcool. Et que cela est une interdiction qui est sévère. قال وليس المراد منه أن المداومة على شرب الخمر يخلد في النار كما يخلد المشرك والكافر. لأنه مؤمن ناقص الإيمان وليس كافرا كما نقول كما تقول الخوارج. Et cela ne veut pas dire que justement cet alcoolique sera éternellement au feu, comme le sera le mouchilik ou le kafir. Car lui, à la base, là on parle d'un croyant. C'est un croyant qui a une foi qui est réduite, qui est faible. Il n'est pas un mécréant. Contrairement à ce que prétendent les khawarij, qui eux voient que celui qui fait des kabaïr, c'est un kafir. On parle ta'ala, « Inna Allah la yaghfiru wa yushraka bih, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha » Et que Allah ne pardonne pas qu'on le fasse quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela de qui il veut. Prends toujours ce verset-là comme base dans ce genre de hadith qui viennent. Car des gens vont jouer avec toi des hadiths dans lesquels on parle de kufr ou de fisk ou autre. Tu lui dis ce verset-là, c'est le murkam. Et les autres, c'est le tashabuh, des choses à équivoque. On ramène à ce verset-là. Donc l'acte n'a pas été jugé comme étant du kufr ou du shirk. En lui-même, et le shirk a été défini, le kufr a été défini, alors il faut interpréter le hadith. Wa sharbu khamr dakhilu fi ma dun ash-shirk. Wa yashmalu wa dal wa'id min Allah ta'ala lil maghfirah. Donc le fait de boire de l'alcool, cela est autre que du shirk. C'était pas au même niveau. Donc il est concerné par ce verset. La promesse d'Allah du pardon. Mais qui n'exclut pas qu'il puisse être châtié un instant, un moment, voilà. والحديث فيه تشبيه مدمن الخم بعبد الوثن وهو لا يقتضي تشبيه من كل وجوه الا اذا استحل الخم فانه يكون كافرا. الحديث ce hadith là fait montre la marque, la ressemblance qu'il y a entre l'alcoolique et l'idolâtre, sauf que cela montre une ressemblance totale sur tous les aspects hormis l'alcoolique qui aurait rendu l'alcool halal. Il dit c'est permis de boire de l'alcool. Là, lui devient kafir. Elle a rendu halal, ce qui est haram, qui est connu bid-daroura, qui est connu par tous les musulmans. Que l'alcool, c'est interdit en islam. Wa ala kulli hal, fal khamr, al khaba'ith, wa qad karanaha Allah bin maysir, wal ansab wal azlam, wa akhbara annaha rijtun min amal shaytan, wa amara bi chinabiha. Quoi qu'il en soit, le khamr, c'est la base de tous les mots. Al khaba'ith, c'est-à-dire la chose. La base de toutes les choses interdites, c'est l'alcool. L'alcool est même pire que la drogue. L'alcool est pire que la drogue. C'est la base de l'enivrement. Et aujourd'hui, c'est pire car elle est devenue, dans les pays, il est vendu librement. L'alcool, lui, c'est rendu, c'est interdit. Donc les gens vont encore à côté, tu vois, de blâme. Mais l'alcool, non. C'est même devenu un art chez certains, faire de l'alcool. Alors, quel alcool, voilà, azubillah. Donc les gens voient moins le mal. Bien qu'ils reconnaissent le mal de l'alcool. Mais ils se disent, c'est vendu librement, donc il faut faire attention de ne pas trop, comme ils disent, boire avec modération. On dit, il n'y a pas de modération en islam. C'est interdit dans l'absolu. Même pas une goutte. Donc Allah Azzawajal a comparé cet alcool avec les jeux de hasard et autres. Les choses qui sont interdites. Et a informé que c'est une chose infecte parmi les actes de shaitan. Wa amara bi ijtinabiha, a ordonné de s'en éloigner. Il n'a pas seulement dit de ne pas en boire, mais de s'en éloigner. Comme vous le savez, même une table d'alcool, on ne peut pas y rester. Dans le hadith est venu, la'ana Allah mu'assil al-khamr wa hamiluhu wa bay'uhu wa sharibuhu. Car Allah il a maudit celui qui presse le fruit par lequel on fait de l'alcool, celui qui le transporte, celui qui le vend et celui qui le boit. Wa la'ana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fil khamr 10, plus que cela même 10. La chose c'était combien? 4. مما يدل على شناعتها وشدة خطورتها. Ce qui montre justement comment c'est une chose qui est mauvaise, qui est très dangereuse. وما تسبب من الأضرار الأضرار بالغة. وقد رتب الشارع على حد على شاربها. والخمر هي المادة المسكرة. من أي شيء كانت بأي اسم سميت. Et cela montre l'alcool, tous les préjudices qu'il apporte. L'alcool fait du mal à la santé, c'est maralouf. Non seulement ça te fait perdre de la raison, et en plus ça nuit à ta santé. Et que dans la législation, celui qui boit de l'alcool, il a droit à une sentence. Avant c'était la peine de mort. Après c'était abrogé. Mais maintenant, la peine de celui qui boit de l'alcool, c'est que ça se frappe. Après c'est le hakim qui détermine le nombre de coups à donner, à porter. Et l'alcool, ce n'est pas comme certains imaginent, c'est que le vin, ce qu'on appelle le vin, qui vient du raisin. L'alcool, c'est tout ce qui est enivre. Dis-moi, Afan, le khamr, Afan. Le khamr, c'est tout ce qui est enivre. On appelle ça khamr. Soit du vin, soit du champagne, soit du whisky, soit ce que tu veux, du rhum, toute forme d'alcool, d'accord, on appelle ça khamr. En islam. Et tout ce qui est enivre, comme les drogues ou quoi, prend le même jugement. Ça prend le même jugement que l'alcool. Même si c'est pas une chose que tu bois, d'accord, qui a été confectionnée comme l'alcool, ça prend le même hukm. Vous voyez, le cannabis qui se fume, les drogues qui sont consommées, qu'elles soient fortes ou douces comme eux le prétendent, il n'y a pas douces ou fortes chez nous. Elles sont toutes pareilles. Le hukm, c'est le même. Le hukm, c'est le même. Si quelqu'un prenne de la cocaïne ou qui fume du cannabis, le jugement sera le même en islam. Maintenant, il se peut que le gouverneur soit plus dur encore pour la cocaïne parce que ça peut amener à mourir. Le cannabis, ça ne tue pas à la base. Alors, ce qui tue, ça va être toute la consommation de tabac qui va avec. Mais le truc en lui-même ne tue pas. Alors qu'en cocaïne, tu peux mourir d'une overdose. Et maintenant, sans compter les nouvelles drogues qui existent et qui n'ont pas fini de se faire fabriquer. Wallahi musta'an. Wallahi azbillah. Donc, quelle que soit la façon dont il est nommé, dès qu'il est enivre, on l'appelle khamr. On ne sait pas avoir par les nominations. On regarde la réalité du produit.